l'éternel est Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel, car il a fait de merveilles dans toute notre vie. Il nous a exaucés. Nous servirons l'éternel, car il a fait de merveilles dans toute notre vie. Il nous a exaucés. Loin de nous, c'est lui le Dieu vivant. Il nous a choisis parmi les nations. Loin de nous, l'idée d'abandonner l'éternel Dieu des armées. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il nous a rachetés en mourant sur la croix. Loin de nous, l'idée de désobéir à la voix du Saint-Esprit. C'est lui Choix.